454. J'habite au 4000 de la rue 44. Mon pays, il est là, c'est le F48. Situé sur la planète, âgé 1908. Le soir du 34, 14, 8037. Je me marie avec Hélène 317. Nous partons en voyage pour SK49 dans un X2002, presque à l'état neuf. Vous pouvez nous écrire AMH 400, 2 500 000 avenue 1800. Je m'appelle W comme n'importe qui. Mon père s'appelait Z, mais c'était un génie. Un de mes grands aïeux, lui s'appelait Blanchard. Pierre Amédée Gontran, Timoléon Édouard. Il habitait la France, un tout petit pays, situé sur une étoile maintenant refroidie. Les rues portaient des noms bizarres et malaisés, Lafayette, Vaugirard ou bien Champs-Élysées. Pour lui téléphoner, on faisait Turbigo, Louvre, Élysée, Balzac ou bien Trocadéro. Les uns étaient du Nord, les autres de l'Hérault. Les gens de ce temps-là étaient des rigolos. C'était presque en 2000, c'était l'année zéro. Je m'appelle W454. J'habite au 4000 de la rue 44. Mon pays, il est là, c'est le F48. Situé sur la planète, âgé 1908. Le soir du 34, 14, 8037. Je me marie avec Hélène 317. Nous partons en voyage pour SK49 dans un X2002, presque à l'état neuf. Vous pouvez nous écrire à MH 400, 2 500 000 avenue 1800. Je m'appelle W comme n'importe qui. Mon père s'appelait Z, mais c'était un génie. Je m'appelle W454. J'habite au 4000 de la rue 44.